C'est vers la fin de la soirée seulement, lorsque les jeux, la baignade, les conversations, les promenades en bateau dans les temps voisins se furent un peu partout organisés, que Mon, de nouveau, se trouva en présence de la jeune fille. Ils parlèrent, mais invariablement, avec un entêtement dont il ne se rendait certainement pas compte, Mon en revenait toujours à toutes les merveilles de jadis. Et chaque fois, la jeune fille au supplice devait lui répéter que tout était disparu. La vieille demeure si étrange et si compliquée, abattue. Le grand étang, asséché, comblé. Et dispersé, les enfants aux charmants costumes. Ah ! Faisait simplement Mon avec désespoir, et comme si chacune de ces disparitions lui donnait raison contre la jeune fille, ou contre moi. Nous marchions côte à côte. Vainement, j'essayais de faire diversion à la tristesse qui nous gagnait tous les trois. D'une question abrupte, Mon, de nouveau, cédait à son idée fixe. Il demandait des renseignements sur tout ce qu'il avait vu autrefois. Les petites filles, le conducteur de la vieille berline, les poneys de la course. Les poneys sont vendus aussi? Il n'y a plus de chevaux au domaine? Elle répondit qu'il n'y en avait plus. Elle ne parla pas de Bélisaire. Alors, il évoqua les objets de sa chambre, les candélabres, la grande glace, le vieux luth brisé. C'est ce soir-là, avec des sanglots, qu'il demanda en mariage Mademoiselle de Galais.